quatre musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 14 avril à 19h30, alors que l'équipe Le Cercle affronte les Verts. $12 à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. 89.1. C'est KRL. Québec. Bonsoir amateurs de musique, et c'est l'émission Terra Incognita de 22h à minuit qui suit les illusions auditives. Très bonne émission avec Vincent et Jacques, qu'on salue. Et après une fin de semaine de Radioton, nous autres on a fait relâche la semaine dernière. Faut dire qu'on avait besoin de se remettre un petit peu là, d'une semaine de concert avec qui avait débuté avec Yes le lundi au Capitole. Très bon concert, même si Yes, comme j'en discutais avec Jacques tantôt, fonctionne un petit peu sur le pilote automatique, mais ça reste Yes. C'est un groupe mythique et qui a bercé notre enfance et qu'on aime toujours. Et quand ils vont avec des albums aussi reconnus que Close to the Edge, Going for the One et en finale de Yes Album, c'est difficile de résister. Et pour suivre la semaine de Watch, jeudi, vendredi et samedi, trois gros concerts avec pour les deux premiers, des pièces de Genesis surtout, et quelques pièces de leur cru aussi, deux ou trois extraits de leur album. Et le samedi, plus consacré à leur répertoire personnel, sauf quelques covers de Genesis. Et pendant le Radioton, ben, on a eu l'occasion d'entendre une petite entrevue, un petit peu presque improvisée, où Michel s'est amusé à tirer la pipe un peu de Simone Rossetti en lui en laissant croire qu'il était assez vieux. Et disons que quand il est passé ensuite à Marco, qui lui parlait en français, ben là ça a été encore plus drôle parce que Simone ne comprenait pas le français. Et il pouvait à ce moment-là rire de lui un peu, mais c'était tout ça très amical. D'ailleurs, vous étiez peut-être à l'écoute lors de cette entrevue qui s'est faite à l'émission L'Autoroute. Et d'ailleurs, L'Autoroute s'est poursuivie jusqu'à 8h du matin. Je ne sais pas si c'est un record, mais en tout cas, c'est très méritoire de la part de Stéphane, Jacques et de Vincent. Mais la vie continue avec tout ça et... Cette semaine, on a une très belle nouveauté qui est After Crying qui fête ses 25 ans. En fait, c'est pas 25 ans sur disque parce que le premier album il est paru un peu plus tard que ça. En fait, c'est plus en 1990. Mais cet album-là s'appelle AC pour After Crying 25. Et ça contient sur le premier disque l'album qui était paru juste avant. Et pour le deuxième, qui comprend aussi un DVD, c'est une espèce de compilation. Et d'ailleurs, c'est une pièce de ce disque-là qu'on va entendre, c'est-à-dire la pièce Judas. Et ensuite, on va entendre Dreamed Electric Sleep et PB2. sötét, süket űrben hallgat az ég, hol a gondviselés. Hisz a sorsom éjszakadék, hol a megváltás, hol az út, ha semmi kevés. Sötét, puha, távoli hang. Júdás, Júdás, Júdás, Júdás. Consumatum. still so sad. Every time we think of you, the pain that grows inside of you, we cannot help you overcome. Our hands are tied behind our back. So sleep, little boy, so sleep, little friend, and enter a world where everything changes. Nothing we can do more than keep watch. We're here side by side, never to let you leave. All the time we think of you, we'll try to dream along with you. You're lonely, but you're not alone. We realize you're on your own. So sleep, little boy, so sleep, little friend. Be strong in a world where everything changes. Dear beloved ones, start off a sentence you don't wanna use. Cards lie on the table, you can see them all so clearly. Though you're pushing them away. Get rid of all the ugly thoughts. Wash your eyes and cleanse your mouth. Open your heart, 'cause one day he'll be back. Stronger than he ever was, untouchable with power in his eyes. With power in his eyes. With power in his eyes. Mm-hmm.

Et c'est hautement conseillé, cet album-là, surtout pour le DVD qui est malheureusement en pâle, mais je pense que de nos jours, tout le monde est capable d'écouter ça. On trouve des appareils, ou sinon, c'est sur l'ordinateur. Et on voit After Crying en pleine action avec en plus un orchestre dans une très très belle salle. C'est vraiment un très très beau vidéo. Et on va passer au deuxième bloc avec The Psychedelic Ensemble, un disque qui s'appelle The Tale of Golden King. Très néo-progressif comme facture, avec beaucoup de claviers. Si vous aimez le style, ben, je pense que vous allez aimer. C'est une pièce de Golden King qui donne une très bonne idée de ce que c'est. Ce sera suivi d'un groupe américain qui s'appelle Fried Pig. Et c'est un très, très, très bon disque, je dirais, avec une pochette assez agréable où ce qu'on voit, le contraste entre une ferme et une ville qu'on voit au loin. L'album s'appelle « Out of the Banyard ». Et on terminera avec F, le groupe que j'avais présenté à ma dernière émission, l'album Ceremonies. Ce que j'avais présenté, ça venait du sampler du magazine Progressis. Mais entre-temps, je me suis procuré l'album qui est très bon. On va entendre Bells Bleed and Bloom. Thank you. Dreams destiny is close and waits. All those moments, every memory, gathering momentum as they trace out their designs. Leaves in fractal trees are themes that echo deep inside my mind. We'll be right back.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 88 522 4373, labarberie.com. Le Radiothon de CKRL fut une réussite grâce à votre grande générosité ainsi qu'à la collaboration de nos commanditaires suivants. La Commission de la Capitale Nationale, la CDEC de Québec, le Musée de la Civilisation, la Mesure Première Ovation, l'Orchestre Symphonique de Québec, la SODEC, le Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique du Québec, l'Hôtel Château-Laurier, les éditions Michel Lafon, la boutique Le Pédalier, le resto-bar Cécile et Ramone, la cabane et le resto de la mer, le Sacrilège, Seb's Thé et Lounge, Amassane le Masseur, François Angers, Solotech, Chapiteau Tentation, Sanimax. CKRL tient à remercier ses nombreux bénévoles et auditeurs qui, encore une fois cette année, ont contribué au rayonnement et à la réussite du Radiothon. C'est grâce à votre implication et votre dévouement que CKRL poursuit sa mission de radio culturelle à Québec. C'est le grand retour de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Cette nouvelle mouture regroupe des musiciens ayant participé à l'ancienne Ligue, de même que des recrues issues de la scène musicale de la ville de Québec. À chaque rencontre, deux équipes de quatre musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 14 avril à 19h30, alors que l'équipe Le Cercle affronte Les Verts. $12 à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. Et nous sommes de retour. Et on a terminé ça avec le groupe F, un groupe suédois, qui fait une musique un petit peu vaporeuse, je dirais. Ça ressemble un peu à ce qu'on a entendu. C'est assez significatif. C'est d'ailleurs le deuxième extrait qu'on met. C'est un disque qui s'appelle Ceremonies, que je vous conseille si vous avez aimé la pièce qu'on a entendue. Et peut-être encore plus fréquentable, c'est en tout cas plus typiquement progressif ou néo-progressif, c'est Fried Pig qui a joué tout de suite avant avec Out of the Barnyard. Et c'est un disque qui sonne beaucoup. D'ailleurs, Bruno était obligé de rebaisser les potes un peu là, parce que ça frôlait le rouge. Là. Et juste avant, de Psychedelic Ensemble, et c'est plutôt bon, là, avec la pièce de Golden King. Et d'ailleurs, si vous voulez consulter les titres des les playlists, ça sera disponible demain ou lundi, grâce aux bons soins de Marc qui met ça sur le site. Donc, vous aurez toutes les pièces et aussi, c'est disponible en podcast sur le site de CKRL si vous avez manqué une partie ou si vous voulez réentendre. C'est sur le site de CKRL qui a d'ailleurs atteint tous ses objectifs lors du Radiothon de la semaine dernière et ça a même été dépassé. Donc, félicitations à tous les artisans de CKRL, qui a d'ailleurs encore une fois été élu meilleure radio communautaire. On s'en félicite. Je pense que le travail de Bruno à la mise en onde y est aussi pour quelque chose. On va parler un petit peu de la convention Terra Incognita et on va écouter d'ailleurs deux groupes qui vont faire partie de cette convention qui a lieu en mai prochain. On va entendre le groupe Glass à main, un très bon groupe américain qui a fait paraître il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, à CKRL, on vous l'a fait jouer. Marc en a fait jouer des extraits et je pense que Michel aussi, qui s'appelle Odd to Echo. Et La Summer, c'est un groupe qui existe depuis plusieurs années, je dirais environ 25 ans, je dirais. Et c'est un groupe qui travaille fort, ils sont constants depuis plus de 20 ans, qui sortent des albums très, très régulièrement, à tous les 2-3 ans maximum. Et celui-là, ben, je pense qu'il rentre dans une bonne période, je dirais. Il n'y a pas de mauvais disque, là, mais il y a eu des périodes où il y a des disques qui sont meilleurs. Et Odd to Echo, je pense que fait partie des grands crus de Glass Amber. On va entendre la pièce Misanthrogue Et le groupe de Montréal, Néodyme, qui participera aussi à la convention Terra Incognita, a sorti un très bon disque qui s'appelle Le Guetteur l'an dernier. D'ailleurs, on en a fait jouer des extraits assez régulièrement. On va entendre la pièce titre qui s'appelle Le Guetteur. Et on terminera ce bloc-là avec Edison's Children, qui comprend Peter Trewavas. C'est un disque qui s'appelle The Final Breath Before November. Please leave me to myself. The cold reminds me. your entourage. We know it's you that's all alone. I know that can't be true to someone like you. You're unwelcome here. You trespass with your light. Leave me safe to be in a place where there's no need to see. Where the shadows are so real, and the coldness that I feel reminds me I'm alive. Okay.

qui me convainc pas totalement. On voit des bonnes critiques sur ce disque-là. Il me semble que sur la longueur, moi, je trouve que ça devient un petit peu monotone. Je pense qu'il faut l'écouter avec un petit peu plus d'assiduité, peut-être. Là. On pourra peut-être s'en reparler dans les prochaines semaines. On a entendu la huitième partie en fait, il y a trois pièces là-dessus, là, si on veut. Il y a deux pièces plus courtes et une longue, très très longue suite. Ce qu'on a entendu, c'est un extrait de la suite Silhouette, la huitième, en fait, qui s'appelle The Seventh Sign. Et juste avant ça, le très bon groupe de Montréal, Néodyme, avec la pièce titre de l'album Le Guetteur, et on avait commencé avec Glasshammer. Ces deux derniers groupes seront à la convention Terra Incognita les 16, 17 et 18 mai prochains. Ça s'en vient assez rapidement, on commence à être fébrile. Et en plus de ces groupes-là, on pourra voir Is le vendredi soir avec Inner Odyssey en première partie. Inner Odyssey moins élevé. On a eu l'occasion d'en discuter avec Vincent qui nous a présenté son très bon album Isos. Et lors en première partie de The Watch, Vincent a parlé abondamment de son disque et aussi de son intention de quitter un petit peu le son Dream Theater Riverside là, qu'on trouvait sur ce premier disque qui était quand même excellent, Inner Odyssey. Mais lors de l'enregistrement là, du deuxième, là, on ne sait pas quand ça va paraître, Vincent n'a pas encore de date là-dessus, mais il y a vraiment une intention là, de jouer de façon un petit peu plus progressive. Et on a bien hâte d'entendre ça. Et CKRL, en fait, l'émission Terra Incognita sera probablement aux premières loges pour vous présenter ça en temps voulu. Et donc, en plus de Glasshammer, il y aura Fabio Zuffanti aussi et Unreal City. Donc, ça va être plein de bonne musique pendant trois jours en plus. Et en parlant de bonne musique, moi j'ai découvert un disque qui s'appelle Spoke of Shadow. C'est un album éponyme. Et il y a un membre de Jam Carrot, Gail Elliott, qui joue sur ce disque-là. En fait, il joue les mélotrons. Donc, qui a secondé un petit peu les membres de ce groupe-là. Et ça donne quelque chose qui sonne un petit peu à la Jam Carrot, et c'est tant mieux, c'est très bon. On va entendre une pièce qui s'appelle Dominion. Et ensuite, on va entendre du Eloy avec leur très bon album Reincarnation on Stage, qui se trouve être un peu le testament là, de Eloy. On va entendre la pièce Poseidon's Creation. We'll be right back.

très bonne pièce de Eloy qui s'appelle Poseidon Creation. Et c'était originalement sur Ocean. Et on retrouve des pièces d'un peu toutes les périodes sur ce bon disque là, qui s'appelle Reincarnation on Stage. Et c'est peut-être l'album Colors qui est le mieux représenté. Il y a aussi Ocean 2, The Answer, qu'on retrouve quelques extraits. Et évidemment, Visionary, qui est le dernier album. Mais Visionary, c'est déjà presque pas une copie, mais en tout cas, il y a des références, je trouve, beaucoup à Ocean 2. Et c'est un groupe qui s'est fait assez rare dans les derniers temps. Et d'après ce qu'on me dit, Eloy accrocherait ses guitares. Et d'ailleurs, sur la très belle pochette, on voit Frank Bornman avec la Les Paul. C'est une guitare emblématique pour lui, en bandoulière. Et juste avant, c'était un nouveau groupe là, qui s'appelle Spoke of Shadow. Et c'est très dynamique et c'est une musique qui s'inscrit un petit peu dans le... pas expérimental, mais disons une musique instrumentale, disons, assez recherchée. Et c'est déjà presque tout pour nous autres. Stéphane est en train de s'installer pour l'autoroute, qui sera probablement un peu moins longue que la semaine dernière. Mais on se laisse sur After Crying et leur album anniversaire pour le 25e anniversaire. Et c'est une reprise de Fanfare for Common Man. Et là-dessus, Bruno et Jean-François vous disent une très bonne semaine et soyez à l'écoute la semaine prochaine. Thank you.